Die Gefühle zeigen mir den Weg der Unendlichkeit. I can't

The music. Thank you. c'est le temps qui fait la musique. Zik, zik, zik, zik, zik. Ah.